Bon. Bonjour à tous. Voilà. Donc, moi je m'appelle Quentin et je viens aujourd'hui vous parler des Fab Labs et l'utilisation des Fab Labs pour la démocratisation des moyens, donc des moyens de production, de réflexion et plein d'autres moyens. Donc, déjà on va faire un petit tour, savoir qui a déjà entendu parler des Fab Labs. Oui. Et qui sait ce que c'est exactement un Fab Lab? Ah, ouais. Mais je vais vous demander de me dire ce que c'est pour vous un Fab Lab. Ouais, c'est ça. Enfin, ce que j'en connais, c'est à la base, c'était un truc qui a été créé au MIT, il me semble. Et c'était en gros. Un atelier qui propose du matériel, un échange de savoir sans hiérarchie, je crois bien, avec un animateur éventuel qui est nommé. Et c'est, en gros, c'est un laboratoire expérimental assez basé sur l'informatique et Internet, quoi, où on essaie de développer des outils. Voilà, il me semble que c'est ça. Oui, ouais, donc c'était une assez bonne définition. Donc oui, les Fab Labs... Donc l'idée est née en 98, c'était Neil Gershenfeld au MIT qui a créé deux cours. Était le premier cours, c'était How to make almost anything, donc comment faire presque n'importe quoi. Et le deuxième cours, c'est How to make something that makes almost anything, donc comment faire quelque chose qui fasse presque n'importe quoi. Et donc l'idée, c'est de faire des choses et n'importe quoi, mais toujours dans le faire. Et donc, ces cours ont eu un énorme succès. Ils pensaient avoir une dizaine d'étudiants, et il y a plus de 200 étudiants qui se sont inscrits à son cours. Et donc, après le lancement de ce cours, le premier Fab Lab a donc été ouvert au MIT en 2002, et donc était ouvert par le Center for Bits and Atoms, donc le centre pour... les bits, donc tout ce qui est informatique et numérique, et les atomes, donc passer du numérique au réel. Oui, c'est vrai. Ah, et donc vous pouvez vous asseoir aussi si vous voulez, ou rester debout, parce que bon, c'est nuit et jour debout. Donc voilà. Donc, oui, donc ces Fab Labs, donc, sont nés, donc, dans un contexte très académique, mais l'idée reste de s'ouvrir à tous et d'être vraiment ouvert à tous. Donc après l'essor du Fab Lab au MIT, il y en a de plus en plus qui se sont créés. En France, le premier a été créé à Toulouse en 2009, je crois. Donc c'est le Fab Lab Artilect. Et maintenant, en septembre 2015, il y avait en tout dans le monde 600 Fab Labs et environ 60 en France, et ça se développe de plus en plus. Et donc, ouais, les Fab Labs, c'est principalement, donc, on pense, quand on pense aux Fab Labs, on pense aux machines, donc des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses à commande numérique. Donc beaucoup de machines, toujours pour partir du numérique et aller vers le réel. Mais les Fab Labs, c'est principalement, avant les machines, c'est vraiment des hommes et des femmes, des gens qui se retrouvent dans les Fab Labs pour discuter, pour échanger et pour essayer de créer des choses et de faire un peu n'importe quoi et tout ce qui leur passe par la tête. Fab Lab, c'est un lieu pour pouvoir créer. Quand on a une idée, un projet, on n'a souvent pas les moyens matériels pour le réaliser. Dans le Fab Lab, on peut les avoir. Et puis souvent, on a une idée qui est très bien, mais on a quelques compétences et il manque encore beaucoup de compétences pour pouvoir réaliser ce projet. Et c'est là aussi que la communauté des Fab Labs aide, parce que c'est... Donc on peut avoir... Ah, si quelqu'un est très fort en informatique, mais qu'il ne connaît rien en mécanique ou chose comme ça, il va pouvoir trouver quelqu'un qui va s'associer avec lui sur ce projet et réaliser énormément de choses. Et donc les Fab Labs sont vraiment ouverts à tous et tout le monde a des compétences. Ah, souvent les gens disent mais moi je sais rien faire, mais voilà, en réfléchissant un peu on sait tous faire des choses. Et l'idée c'est de mettre tout ça en commun et de pouvoir partager ses compétences, apprendre énormément, hein, parce qu'on apprend des autres, on apprend en faisant des erreurs et les essais-erreurs. C'est un peu la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Et ouais, ensuite, bon, c'est... Oui, moi j'en fais partie. Donc on a monté il y a un an une association à Albi, parce que moi je viens d'Albi, et donc on a monté l'association pour c'est l'association pour la culture numérique et l'environnement. Donc l'idée était de développer la culture du numérique dans le Tarn, qui est un lieu quand même assez rural. Et donc le premier projet, c'était de monter un Fab Lab. On a monté l'a ouvert en octobre. Et voilà, on a commencé à réaliser pas mal de projets, et des projets un petit peu qui vont dans tous les sens, parce que le Fab Lab, il y a des animateurs qui apprennent aux gens à utiliser les machines, qui gèrent un petit peu le parc machine et l'entretien, et qui font vivre la communauté. Mais ensuite, c'est vraiment tous les utilisateurs du Fab Lab qui font d'un Fab Lab ce qu'il devient. Et donc tous les Fab Labs répondent à une charte, la charte des Fab Labs, qui a été mise en place et qui est donc principalement basée sur l'ouverture et le partage des connaissances. Mais ensuite, chaque Fab Lab va être très différent les uns des autres, parce que justement, c'est les utilisateurs qui en font ce qu'il devient. Donc il y a des Fab Labs qui vont se spécialiser sur différents projets, mais on peut faire vraiment de tout. Nous, à Albi, on a fait des sessions à thème aussi bien sur faire des produits ménagers. Donc voilà, faire son propre dentifrice, ses produits ménagers. On a fait faire des sushis. Voilà, c'est pour dire que on se limite pas qu'au numérique et aux machines. Et voilà, un autre projet assez intéressant sur lequel on travaille encore, c'est le développement d'une orthèse, parce qu'il y a un de nos membres qui donc nous a rencontrés au cours d'une fête des associations. Alors, on lui a parlé un petit peu de ce qu'on faisait, et lui avait besoin d'une orthèse pour relever son pied, parce qu'il a perdu en fait dans un accident de moto le muscle releveur du pied. Et les orthèses que lui fournissait la sécurité sociale lui convenait pas du tout, parce que c'est un motard, il veut continuer à faire de la moto. Et quand on est en moto, on a besoin de pouvoir tordre un petit peu sa cheville pour pouvoir mettre le pied par terre, parce que si on garde la cheville droite, on n'a pas d'appui et la cheville glisse. Et donc bon, il aurait pu, s'il avait eu de l'argent, aller trouver des entreprises spécialisées et se faire quelque chose. Énormément d'argent. Il est venu nous voir et on a réfléchi, on a créé toute une équipe. Moi je suis docteur en génie mécanique, donc bon, je connais pas mal de choses, mais on a aussi des orthésistes, des ergothérapeutes, des retraités bricoleurs. Il y a plein de monde qui s'est joint à l'équipe pour essayer de réfléchir à une solution. Et c'est une des grandes richesses du Fab Lab, c'est l'interdisciplinarité. Il y a plein de profils différents qui arrivent chacun avec leurs bagages et leurs idées, et on peut mettre tout ça en commun. Et donc là, cette semaine, on a fini de réaliser le premier prototype, donc qu'on est maintenant en train d'essayer. Donc il y aura sûrement plusieurs itérations, parce qu'on est encore débutant, et puis bon. Mais il faut réussir à trouver des réglages assez fins quand même pour que ça marche bien et que ça ne le gêne pas, et puis que ce soit aussi solide. Et donc voilà, ensuite on a pas mal de projets aussi autour de l'architecture et de la décoration. Parce que on a des machines qui sont quand même très pratiques pour réaliser des projets. Et c'est, ouais, les Fab Labs, c'est... Avoir ces machines, c'est des machines qui sont chères, que n'importe qui ne peut pas avoir, mais qui maintenant, dans un Fab Lab, sont mises à la disposition du public. Et donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et ensuite, selon les demandes de la communauté, on peut aussi acquérir de nouvelles machines et développer, donc partir d'un côté ou d'un autre. Et vraiment, on répond aux besoins du public. Et donc, je trouve, pour ça, c'est un peu là où je vois ça comme une démocratisation des moyens de production et pouvoir faire des choses qui sont adaptées à chacun. On vise pas à faire de la production de masse, mais vraiment plus de la production de niche et puis aussi de la réparation, à lutter contre l'obsolescence programmée, parce que s'il y a une pièce de la machine à laver qui casse, on peut la refaire, que ce soit avec l'imprimante 3D ou avec la fraise de commande numérique, on peut assez facilement refaire tout ça. Et le Fab Lab, donc chaque Fab Lab est très indépendant l'un de l'autre, fait ce qu'il veut, mais c'est aussi tout un réseau. Et l'idée, c'est de toujours bien documenter tout ce qu'on fait pour que ce qui est fait dans un Fab Lab soit faisable dans un Fab Lab à l'autre bout du monde. Parce qu'il y a quelques machines qui vont être pas standards, mais on a à peu près tous les mêmes machines de base. Et en documentant bien ce qu'on fait, on peut expliquer aux gens comment refaire la même chose. Voilà. Il y a des questions pour l'instant ? Oui ? Du coup, concrètement, par exemple, si on a besoin de faire réparer un truc ou quoi, j'imagine que dans les charts, ce qui est demandé, c'est que chacun apprenne aussi à faire soi-même ce dont il a besoin. Ou on vient pas là comme on arriverait, c'est pas un service, on apprend à faire ce dont on a besoin, c'est ça ? Exactement, oui. Un Fab Lab, c'est pas un bureau d'études, c'est pas un lieu où on vient, on dépose quelque chose et on demande de réparer-le. C'est où on va apprendre à le réparer. Donc il y aura, on va essayer toujours de trouver des gens qui savent faire, ou sinon, avec des bricoleurs, on arrive toujours à petit à petit réussir à faire. Voilà. Et nous on a eu pas mal de demandes d'entreprises qui voulaient qu'on leur fasse des choses, mais ça c'est pas dans la charte des Fab Labs, donc on le fait pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Fab Labs en fait qui créent une section pro. Parce que, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on a quand même besoin d'argent. Et dans les Fab Labs, on a donc une adhésion. C'est généralement des associations. Et puis, on paye un petit prix pour l'utilisation des machines. Et c'est passé. Elle était pressée. Donc pour l'instant c'est un modèle économique qui est encore assez dur à faire tourner, et surtout au moment du lancement. Et donc c'est pour ça qu'énormément de Fab Labs ont développé une section pro et pour faire du bureau d'études, faire du prototypage pour des petites entreprises. Mais c'est juste un moyen de survivre plus que vraiment la raison d'être des Fab Labs. Raison d'être, c'est d'apprendre, de partager et de mettre les choses en commun. Donc voilà, d'autres questions ? Non ? Merci, moi j'avais deux questions. On a reparlé un peu de la charte et tout ça. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus qu'est-ce que c'est que le contenu de cette charte en fait ? Quelles sont les valeurs, les principes qu'ont tous ces Fab Labs en commun ? Et par ailleurs, j'avais une autre question beaucoup plus concrète. Tu disais que donc dans ces Fab Labs-là sont mis à disposition des machines pour tous en fonction de différents besoins. Juste, je me demandais comment vous faites pour vous organiser pour acheter ces machines, en fait, sur quel principe ça repose ? Voilà. Merci. Oui, donc on va commencer par la charte. Charte, je l'ai imprimée, c'est bien. Donc, la charte commence. Qu'est-ce qu'un Fab Lab ? C'est donc un réseau mondial de laboratoires locaux qui dope l'inventivité en donnant accès à des outils de fabrication. Que trouve-t-on dans un Fab Lab ? Donc, Fab Lab partage le catalogue évolutif d'un noyau de capacités pour fabriquer presque n'importe quel objet, permettant aux personnes et aux projets d'être partagés. Donc ça reste très vague parce que c'est évolutif et ça dépend aussi beaucoup des demandes des adhérents des différents Fab Labs. Donc que fournit le réseau des Fab Labs ? Une assistance opérationnelle, d'éducation, technique, financière et logistique au-delà de ce qui est disponible dans un seul lab. Donc voilà, comme on travaille en réseau, et par exemple, à Albi maintenant on vient d'acquérir notre découpeuse laser, mais avant on n'en avait pas. Et en étant dans le réseau, si on avait des besoins d'utiliser cet outil, on allait à Toulouse. Et un membre du Fab Lab de Toulouse, du Fab Lab d'Albi, pouvait utiliser les outils du Fab Lab de Toulouse. Donc, qui peut utiliser un Fab Lab ? Les Fab Labs sont disponibles comme une ressource communautaire qui propose un accès libre aux individus autant qu'un accès sur inscription dans le cadre de programmes spécifiques. Donc voilà, c'est accès libre. Tout le monde a sa place dans un Fab Lab. Et que ce soit pour aider des gens, que ce soit pour développer son propre projet ou pour apprendre. Donc voilà, quelles sont vos responsabilités ? Donc sécurité, ne blesser personne et ne pas endommager l'équipement, puisque c'est des équipements qui sont chers. On essaie de les garder en bon état et de faire attention que personne ne se blesse. Il faut aussi aider à nettoyer, maintenir et améliorer le lab, parce que c'est à tout le monde et on ne paye pas une femme de ménage pour passer derrière nous, donc chacun doit prendre ses responsabilités là-dessus. Et puis les connaissances, il faut, quand on utilise le Fab Lab, contribuer à la documentation et aux connaissances des autres, donc c'est toujours le partage. Donc qui possède les inventions faites dans un Fab Lab ? Donc les designs et les procédés développés dans les Fab Labs peuvent être protégés comme le souhaite leur inventeur, mais doivent rester disponibles de manière à ce que les individus puissent les utiliser et en apprendre. Donc on peut protéger, mais on est un petit peu quand même contre l'idée du brevet où on verrouille tout et on cache tout juste pour sa propre utilisation. Donc les licences est plus souvent utiliser, c'est le copyleft, c'est-à-dire que on partage, nous on a le droit de le vendre, mais on partage et les gens peuvent utiliser ce qui a été développé, le changer comme ils veulent, mais doivent toujours continuer à garder cette licence copyleft, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se baser sur quelque chose qui a été fait dans un Fab Lab pour ensuite aller mettre un brevet. Et donc, comment les entreprises peuvent utiliser un Fab Lab ? Les activités commerciales peuvent être prototypées et incubées dans un Fab Lab, mais elles ne doivent pas entrer en conflit avec les autres usages. Elles doivent croître au-delà du lab plutôt qu'en son sein. Et il est attendu qu'elles bénéficient à leurs inventeurs, au lab et aux réseaux qui ont contribué à leur succès. Donc voilà, une entreprise peut venir dans un Fab Lab pour développer, utiliser les machines et développer leurs produits. Mais ça restera... L'idée, c'est plus de développer le prototype, de faire un proof of concept, montrer que ça peut marcher, et puis ensuite, si c'est pour un usage commercial, d'aller le réaliser ailleurs. Parce qu'on cherche pas non plus à faire concurrence aux entreprises et aux moyens de production en série. De toute façon, on n'aura jamais les moyens de faire de la production en série, et c'est pas dans l'idée, parce que l'idée, c'est d'adapter vraiment aux besoins de chacun et donc de toujours faire un petit peu vraiment être adapté aux besoins spécifiques plutôt que de faire un produit qui correspond à peu près aux besoins de tout le monde mais pas parfaitement comme ce qu'on trouve dans la grande distribution. Et la deuxième question c'était comment vous avez acheté les machines ? Oui, donc comment on achète les machines ? Donc, y a pas mal de façons différentes. Souvent, on a quand même besoin de subventions, donc des subventions publiques. Donc nous, on a, par exemple, notre local nous est prêté par la communauté d'agglomération. Parce que on a développé un modèle économique qui devrait nous permettre de louer un local, et un local plus adapté. D'ici quelques années, mais pour se lancer, on n'a pas d'argent, donc un peu compliqué. Ensuite, on a aussi eu des subventions privées, donc par donc différentes fondations. Et la découpeuse laser, celle-là, on l'a achetée grâce à du financement participatif. Donc là, on a lancé une campagne de financement sur une plateforme de financement participatif. Et on a réussi à obtenir assez d'argent pour pouvoir acheter la machine. Donc voilà, on cherche un peu l'argent là où on peut le trouver. Alors, on a répondu aussi à des appels à projets de la région, tout ça. On fait aussi pas mal de petites interventions donc dans les maisons de quartier, dans les MJC, les médiathèques, pour sensibiliser sur le numérique, apprendre différentes petites choses qui donc permettent de rapporter un petit peu d'argent. Donc pour l'instant, on est tous bénévoles et voilà, on a la chance d'avoir quatre des membres du moins des membres les plus actifs au CA qui sont au chômage. Donc merci l'État de nous payer pour qu'on puisse passer du temps à travailler là-dessus. Voilà. Et, a-t-il d'autres questions? Sinon... Oui, mais... Oui, donc ouais, j'avais mis quelques notes sur les tiers-lieux, puisque les tiers-lieux, c'est... Les Fab Labs font partie de ce qu'on appelle tiers-lieux, qui sont donc... un tiers-lieu, un proverbe de concierge qui dit « Un tiers-lieu ne se définit pas par ce qu'il est, mais par ce qu'on en fait. » Et donc un tiers-lieu, c'est... Un service, un outil, un processus, ça peut être donc des espaces de coworking, ça peut être des garages solidaires aussi qui se développent de plus en plus. Donc c'est tous ces mouvements donc sur la reprise en main des moyens de production, des moyens de réparation. Et donc j'avais mis ici. Oui, le tiers-lieu, ça s'envisage un peu comme l'ordinateur des villes et des organisations. Donc ces murs et ces ressources matérielles sont le boîtier, et c'est une machine vide et creuse. Et puis ensuite, ce qu'on en fait, la communauté, c'est les logiciels et les différents services qui animent la machine. Et c'est toujours l'idée de mettre en commun tout ce patrimoine et toutes ces informations, toutes ces compétences. Et j'ai pas eu le temps de préparer grand chose, j'avais mis deux trois notes comme ça. Sauf que comment on les trouve? Oui, il y a une carte des Fab Labs, il y a plusieurs sites qui référencent un petit peu tous les Fab Labs. Donc les Fab Labs en France, il y a un site qui s'appelle makery.fr. Donc qui makery.info. Et bon, de toute façon, je ferai mon petit compte rendu et je mettrai les liens qu'il faut. Voilà. Y a-t-il des questions? Parce que plus. Préparé à répondre à plein de questions, mais en ma tête c'est un peu le bordel en ce moment, donc oui. En gros, comment vous l'avez créé, par exemple, vous, pour votre exemple, comment vous avez mis en place à la base? Oui, donc comment on l'a créé? Au début, on était trois copains à réfléchir là-dessus, à se dire que on était un peu au courant du mouvement des Fab Labs, on a vu un petit peu ce qui se passait, on a été voir dans nos trois Fab Labs comment ils s'étaient mis en place, comment ils fonctionnaient, histoire de se faire une idée avant de se lancer. suite, on a commencé par créer la communauté. Avant de créer le lieu, on a créé la communauté. Donc, on a fait différentes manifestations. Donc, d'abord, mettre des petits tracts et puis se réunir dans un café pour voir un peu qui était intéressé et qui pouvait s'impliquer dans le montage du Fab Lab. Parce que surtout lancer une association et quelque chose comme ça, ça demande pas mal de temps et pas mal de ressources, pas forcément financières, mais un peu des connaissances en communication, des connaissances à quel type de machine on va vouloir prendre. Et donc après avoir fait ces quelques rencontres, on a participé aussi à la journée des associations de la ville. Essayer de développer de plus en plus, faire parler autour du Fab Lab et de notre projet. Et donc ensuite, une fois qu'on avait suffisamment de monde derrière nous, on a été voir la communauté d'agglomération. On leur a dit, nous, on voudrait monter un Fab Lab. On a une centaine de personnes qui sont prêtes à nous suivre si on fait. Et donc à ce moment-là, on a beaucoup négocié, on leur a tordu un petit peu le bras, et puis ils ont fini par nous donner un local. Et donc à ce moment-là, on a pu acheter les machines et lancer le Fab Lab. À ce moment-là, on a aussi lancé notre campagne de financement participatif pour essayer de créer un buzz et de faire parler au maximum pour pouvoir avoir une dynamique de lancement. Et ça a bien marché. Et donc voilà, on a eu maintenant on doit être à 150 membres sur donc en 6 mois et sur une agglomération qui a 80 000 personnes, et c'est encore en développement. Il y a de plus en plus de monde qui viennent, et plus maintenant on commence à s'organiser un petit peu mieux, et donc ça intéresse plus les gens une fois qu'ils voient qu'on est un peu plus structuré. Au début c'était dur, mais voilà. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et puis essayer de trouver les bonnes personnes aussi, les bons soutiens politiques pour pouvoir nous appuyer un petit peu. Mais voilà, c'est faisable. D'autres questions? Oui. Désolé, moi je viens de débarquer, ça a peut-être déjà été dit. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des initiatives de makers ici à Nuit Debout pour, je sais que par exemple ils cherchaient à remettre des vélos pour générer du courant au lieu des groupes électrogènes, etc. Enfin, est-ce qu'il y a des initiatives comme ça? Oui. Donc sur le chat de Nuit Debout, il y a un channel Maker Debout. Et donc, qui ont réfléchi, je crois bien qu'il était en début de semaine ou la semaine dernière, il avait fait une soirée Maker Debout ici, et ils avaient justement développé un vélo en utilisant un moteur de machine à laver, et puis pour générer de l'électricité, pouvoir recharger des batteries et pour pouvoir utiliser la sono. Il y a aussi d'autres projets sur en utilisant des micro ordinateurs, donc des cartes Raspberry Pi et des petits écrans à LED pour pouvoir afficher des informations en temps réel. Il y a des idées sur faire des systèmes de vote aussi pour l'AG, parce que on voit à l'AG, quand on vote à main levée comme ça, c'est bien, mais quand le vote est un petit peu partagé, c'est souvent le modérateur qui va dire c'est cela qui l'emporte. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un vrai compte, parce que quand il y a des centaines de personnes, c'est très compliqué de compter les doigts. Voilà, il y a un autre, je sais plus trop quel autre projet. Et donc nous à Albi, on a aussi lancé la Nuit Debout, parce que on a beau être petit, il faut que ça se développe partout. Et donc nous au Fab Lab, ce qu'on a commencé par faire, c'est déjà faire de la signalétique, utiliser la découpeuse laser pour faire des pochoirs, faire aussi des portes porte-affiches et portes information. Voilà, donc on fait un petit peu ce qu'on peut, mais voilà, c'est des outils qui sont quand même très pratiques à faire des beaux pochoirs quand on n'a pas la main habile. Et ben sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, on passe de l'ordinateur au réel grâce aux machines. Donc voilà, c'est aussi en ça que les Fab Labs sont bien, c'est que on a besoin d'idées, mais et donc quelques compétences, mais on n'a pas besoin d'avoir vraiment le doigté, voilà, parce que dans le temps, quand il fallait utiliser des outils à main, on a beau savoir à peu près comment faire, si on n'a pas le talent, ça ressemble à rien. Voilà, moi j'adore bricoler, mais j'ai pas la main à droite, et donc quand je faisais des trucs, c'était toujours un peu bancal, j'étais jamais content. Et bah, avoir des machines qui permettent d'être super précis, c'est bien. À la fin, on est content de ce qu'on a fait. Voilà. Une autre question ? Et oui, je vous aurais bien parlé des Fab Labs de Paris. Je sais qu'il y en a plusieurs. Le seul que j'ai visité pour l'instant, c'est Carrefour du Numérique à la Villette. Mais qui est. Ouais, c'est. Enfin, moi, je l'ai trouvé un peu différent parce que bon, c'est très institutionnel. Et voilà, c'est. Elle m'avait l'air un petit peu moins construit par la communauté et plus, construit d'en haut. Et voilà, alors que l'idée du Fab Lab, c'est quand même voilà, l'horizontalité, tout le monde au même niveau, tout le monde partage et fait un petit peu comme il peut, et chacun aide à développer le Fab Lab. Voilà, je connais un petit peu d'autres Fab Labs, donc à Saint-Étienne, j'ai fait un petit tour, et ils sont sympas. Il y en a partout. Voilà, à Paris, j'ai entendu parler de quelques-uns, mais je saurais plus mettre les liens. Et je les retrouverai, je les mettrai dans mon compte rendu, puisque bon, je vous inviterai bien à passer au Fab Lab d'Albi, mais c'est loin. Voilà. Donc, d'autres questions ? Ouais ? Donc, en fait, je suis un ancien de Mercury où j'ai fait un petit stage là-bas. Donc, personnellement, du coup, j'ai visité quelques Fab Labs à Paris et. Effectivement, la plupart sont quand même c'est des petites structures, je pense un peu comme celui d'Albi, où il y a le petit Fab Lab de Paris qui est un truc minuscule. Enfin, je crois qu'ils ont eu un local un peu plus grand maintenant, mais donc ouais, voilà, clairement, c'est une petite assoce, une petite structure. Il y a la Paillasse qui est la Paillasse de Paris, il y en a une autre à Toulouse, donc c'est un Fab Lab plus orienté biologie où ils s'amusent à faire leur bière, à développer des trucs comme ça. Et c'est, enfin, moi vraiment, c'est pas pour faire. Pour dire que Mercury c'est génial et tout, même si j'aime bien, mais c'est vrai que la carte de Mercury des Fab Labs, c'est le truc le plus à jour que je connaisse, quoi. Donc si tu tapes Mercury sur Google, on trouve la carte, et après c'est comme Google Maps, on voit des Fab Labs à Paris. Il y en a, je sais pas, une trentaine peut-être en France. Il y en a quand même pas mal, quoi, pour le pays. Il y en a forcément à côté de chez vous, et faut au moins y passer, quoi. C'est assez intéressant. Oui, mais ouais, donc voilà, c'est ouais, à plein de Fab Labs, et ouais, Mercury c'est un bon site, et alors, ils référencent tous les Fab Labs, ils partagent aussi pas mal d'infos, voilà, que les différents Fab Labs, une fois qu'ils ont réalisé un projet, ils peuvent en parler. Ça, c'est diffuser l'information, parce que c'est toujours très important la diffusion et le partage de l'information, parce que quand on a ses connaissances et qu'on les garde dans son coin, bah ça marche moins bien. Et il est de la connaissance, c'est qu'on peut la partager et on ne perd en partageant ses connaissances. Et pas comme quand on partage son argent, bon, bah, si je te donne la moitié de mon argent, j'ai plus que la moitié. Alors que si je te donne toutes mes connaissances, et bah, je les ai toujours et on est deux à les avoir. Ok. Et. Oui. Et puis, ouais, sinon, je voulais dire aussi, bah, le terme Fab Lab, c'est un terme très à la mode en ce moment. c'est voilà, hein, y a beaucoup de grands organismes qui se disent que c'est un peu la quatrième révolution industrielle, hein, parce que ben, c'est en partie vrai, parce qu'on peut réaliser plein de choses, on peut se passer de beaucoup d'autres moyens de production et vraiment reprendre en main la fabrication soi-même. Et pour ça, il y a énormément aussi de structures qui se montent, qui s'appellent Fab Lab, mais qui oublient le principe d'ouverture et de partage dans le Fab Lab. Donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises. Bah, à Renault, par exemple, ils ont ouvert ce qu'ils appellent un Fab Lab, mais qui c'est un labo de fabrication, de réflexion et de développement. Mais on peut pas appeler ça Fab Lab parce que c'est interne à Renault, c'est réservé aux employés de Renault. Donc y a beaucoup de monde qui essaye de surfer sur la vague et d'utiliser cette dynamique, mais en oubliant énormément des principes fondateurs du Fab Lab. Donc, mais après, il y en a énormément partout qui se développent et qui restent basés sur le partage et l'échange de compétences. Ok. Souffle. Voilà. Ouais, donc du coup, pour rebondir sur ta question, tu demandais si il y avait des Fab Labs à Nuit Debout, là, en tout cas ici, comment est-ce qu'ils pouvaient aider, contribuer, enfin, à leur manière, voir comment est-ce qu'on ça pouvait contribuer au mouvement. Est-ce qu'il y a une mise en réseau de différents Fab Labs en France, là, avec différents Nuits Debout en France aussi, ou est-ce que ce serait une idée de constituer un réseau de Fab Lab qui serait, on va dire, engagé dans Nuits Debout? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est déjà en train de se faire? Voilà. Comme vous êtes beaucoup, vous fonctionnez beaucoup en réseau. Voilà, je me demandais comment est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce que ça pourrait se faire et en quoi ça pourrait contribuer au mouvement? Oui, mais je ne sais pas si les Fab Labs eux-mêmes vont se mettre en réseau. Par rapport à Nuit Debout, mais il y a gens qui utilisent les Fab Labs et qui travaillent dans les Fab Labs, on les appelle les makers, ceux qui font, et donc eux individuellement se mettent en réseau pour travailler donc avec la Nuit Debout, mais voilà, ils sont pas forcément représentatif, c'est ils s'engagent individuellement plutôt que d'engager le Fab Lab et de mettre le Fab Lab dans Nuit Debout, parce que bah, le Fab Lab appartient à tous de rang, et donc on n'a pas forcément envie d'engager l'association en tant qu'association, en tant que Fab Lab dans Nuit Debout, parce que bah, aussi on dépend encore beaucoup de subventions publiques et d'argent qui vient de plein d'endroits différents. Donc voilà, et puis Nuit Debout, je pense que c'est un mouvement citoyen, c'est voilà, des individus qui se regroupent, et l'idée pour moi dans Nuit Debout, c'est quand même de venir dans Nuit Debout en enlevant toutes ces casquettes. On va pas venir en tant que adhérent à un parti ou adhérent à un syndicat, et donc pourquoi est-ce qu'on viendrait en tant que Fab Lab? Alors que bon, on peut très bien venir en tant que maker et partager, faire des choses, et toujours en prenant ses responsabilités individuellement plutôt que d'impliquer l'association. Mais je sais qu'il y a énormément de makers et de gens de Fab Lab qui s'impliquent dans les différentes Nuits Debout, et parce que ben, ça peut être aussi bien fabriquer des chaises ou du mobilier à partir de palettes. Ah, moi, quand je suis venu au début du mois, c'était j'avais fabriqué des bancs ici, et des petits bancs blancs étaient bien amusés. Ah, j'étais très. Je vais chercher les peuples, ils arrivent. Ouais, j'étais un peu déçu quand le lundi matin j'ai vu que les bancs étaient partis dans la benne, mais bon, et pas grave. Parce que de toute façon, c'était du matériel de récupération. Ce que ça m'a coûté, c'est du temps. Ça a coûté, bon, quelques clous à la Nuit Debout, mais voilà. Moi, je suis prêt à revenir et à refaire. L'idée, c'est de continuer à faire et puis de pas s'arrêter. Et Voilà, le mouvement aussi, hein, il faut pas qu'il s'arrête. Faut continuer à discuter, à apprendre. Et est-ce qu'on est encore loin d'avoir trouvé la solution? On a réussi à définir un peu les problèmes, mais voilà, il va falloir encore discuter beaucoup pour pouvoir proposer des solutions quand les pouvoirs publics voudront bien discuter. Et bon, là je m'éloigne un petit peu du sujet. Donc il y a d'autres questions plus... Oui, voilà. Dans le monde des bibliothèques, en ce moment, on parle beaucoup des Fab Labs, des troisièmes lieux, etc. On en parle beaucoup, on en voit assez peu. Est-ce que vous avez des relations avec les bibliothèques universitaires ou municipales dans votre secteur ? Nous, on n'a pas de relation avec, en tant que Fab Lab d'Albi, hein, je ne peux pas parler en tant que autre Fab Lab, mais donc on n'a pas de relation avec les bibliothèques universitaires, mais on a fait pas mal de choses avec toutes les médiathèques du Tarn. Donc on a quadrillé un peu tout le département à faire des petites formations aussi bien sur l'utilisation des ordinateurs, la sécurité sur Internet, voilà, aussi des petites démonstrations d'imprimantes 3D, de choses qu'on peut faire assez facilement en utilisant les outils des Fab Labs, des petites animations aussi pour les jeunes, apprendre à coder et à utiliser des cartes programmables pour faire... des petits jeux, commencer déjà par prendre un bouton, une LED, et puis faire un programme qui va faire que quand on appuie sur le bouton, la LED s'allume, et puis petit à petit rajouter quelques briques comme ça, pour apprendre un peu à tout le monde à utiliser les ordinateurs, à utiliser toutes ces machines, parce que c'est des compétences à acquérir, et qui peuvent être intéressantes. Une fois qu'on sait s'en servir, on peut vraiment faire ses propres objets connectés, faire détourner aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le détournement d'objets. Voilà, on s'amuse beaucoup à démonter, à regarder comment ça marche, et puis à changer un petit peu la façon dont ça marche. Voilà, juste que ce soit juste pour de l'art ou pour s'amuser ou pour répondre à un besoin réel. Donc voilà. D'autres questions ? Il n'y a pas grand monde, donc c'est dur d'avoir beaucoup de questions. À quoi je pourrais vous parler d'autre ? Est-ce que tu as pu identifier un petit peu les gens qui participent au Fab Lab? Est-ce que c'est des gens qui se regroupent, qui sont plutôt des universitaires ou qui ont plutôt une orientation politique commune ou est-ce qu'il y a ou des vieux, des jeunes, des gens, je sais pas. Mais pas vraiment. Il y a de tout. Voilà, on a. Il y a pas mal d'étudiants d'écoles d'art et de choses comme ça, parce que eux ont besoin de faire, et donc avoir accès aux machines, c'est quand même pratique. Et voilà, nous on est juste à côté de l'école des mines d'Albi, mais on a, pour l'instant, on a des relations un petit peu difficiles avec eux, parce que eux avaient dans l'intention d'ouvrir leur propre Fab Lab, mais de le garder fermé. Et donc on essaie petit à petit de travailler avec eux, de voir que plutôt que de se faire la guerre, on peut partager nos savoirs et nos machines. Et voilà, on a des étudiants quand même, des retraités, des bricoleurs, des gens qui ne connaissaient rien du tout à la fabrication et au monde des Fab Labs avant de venir, et puis qui un coup ils sont venus, ont trouvé des gens intéressants avec qui discuter, et puis sont restés, ont appris énormément de choses, et puis en restant dans le Fab Lab, en travaillant avec des gens sur leurs projets, petit à petit il y a aussi leurs propres idées qui commencent à germer. Donc voilà, il y a une dynamique qui petit à petit se monte. Et de plus en plus de gens commencent à arriver avec leurs projets et à avoir des idées de choses qu'ils peuvent réaliser. Et parce que c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu étranger, parce que bon, on est dans un monde plus de consommation où on a un peu oublié le côté faire soi-même, et on a plus tendance à, bon, si on a un besoin, ben on va acheter quelque chose qui va à peu près répondre à notre besoin, alors que ben, on s'aperçoit que à beaucoup de besoins qui peuvent être remplis en faisant soi-même les choses, et on s'amuse énormément en faisant et on apprend énormément. Voilà, et puis oui, donc oui, en parlant de faire soi-même, une de nos devises, c'est que oui, le faire soi-même, do it yourself, c'est bien, mais faire ensemble, c'est encore mieux. Ah, parce que bah, on va plus loin en faisant ensemble, on apprend énormément de choses, on a des visions différentes bah, qui peuvent s'affronter. Voilà, des fois, on a des grandes discussions sur comment faire quelque chose et pourquoi le faire. Et puis petit à petit, on arrive à trouver une solution qui convient à tous. Donc voilà, c'est toujours l'interdisciplinarité, avoir des gens de plein de milieux différents, c'est vraiment la richesse. Bah c'est aussi bien la richesse des Fab Labs que la richesse de Nuit Debout ici. C'est essayer d'avoir un maximum de monde avec plein d'idées différentes, d'opposer toutes ces idées, de discuter. Et parce que bah, ça fait aussi bien évoluer ses propres idées, parce que bah, quand on a besoin d'argumenter pourquoi est-ce qu'on pense qu'une façon de faire est la mieux, eh ben il faut réfléchir et re-argumenter notre idée qu'on avait bien en place dans la tête. Des fois on change complètement parce qu'on s'aperçoit en réfléchissant justement que bah il y a mieux. Et ben voilà, on arrive à un consensus comme ça. D'autres questions? Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un Fab Lab? On va trouver des gens avec qui discuter. Est-ce que vous avez par exemple un stock de ressources ou d'outils communs que chacun peut utiliser? Oui, donc déjà dans les Fab Labs, bah, les machines qu'on va trouver, donc à peu près 100% des Fab Labs auront une imprimante 3D. Ensuite, souvent, on a aussi les quatre outils principaux, c'est donc l'imprimante 3D, la fraiseuse à commande numérique, donc qui au lieu de faire une pièce en rajoutant petit à petit de la matière, la fraiseuse c'est au contraire, on part d'un bloc et puis on va sculpter. Voilà. Ensuite la découpeuse laser qui permet de découper et de graver sur plein de matériaux différents, et aussi la découpeuse vinyle qui donc bah, permet de faire des autocollants, voilà, mettre des autocollants sur sa voiture, faire plein de découpes, mais sur donc soit du vinyle et des choses assez fines ou du papier, voilà, faire. Ensuite, aussi bah, tout ce qui est cartes électroniques, donc des cartes, généralement les cartes Arduino, sont donc des cartes sur lesquelles on a des entrées et des sorties, et puis on peut programmer programmer, dire bah, quand il y a telle information en entrée, on va faire telle chose en sortie. Et donc c'est et des cartes qui sont assez évolutives. Voilà, ensuite on a bah, pas mal de petits matériels électroniques, des petits moteurs, voilà, pour pouvoir développer les choses là. Après, selon les Fab Labs, il y en a qui proposent pas tout ce qui est consommable, ils laissent seulement les machines. D'autres où bah, on va avoir tout un stock donc des consommables et des petits composants pour que les gens puissent faire les choses et pas besoin d'amener leur matériel. Et voilà, on a après pas mal de documentation, que ce soit des bouquins ou bon, pas mal de documentation informatique aussi. Et voilà, on essaye d'avoir quelques logiciels, donc principalement du logiciel libre. D'une part parce que ben, l'idée du logiciel libre est ouvert, ça rentre dans la charte des Fab Labs, et puis c'est aussi parce que ben, c'est gratuit la plupart du temps. On n'a pas les moyens d'acheter des gros logiciels de modélisation ou de calcul. Et ouais, donc voilà, et puis ensuite aussi nous on a On a la chance d'avoir une entreprise à côté qui reçoive énormément de choses. Donc on a toujours un gros stock de palettes qu'on démonte. Et puis donc on a plein de bois pour faire nos propres meubles, faire plein de choses. Et voilà, on essaie toujours de trouver les ressources dont les gens ont besoin. Donc après, ça dépendra des différents besoins des utilisateurs. Voilà. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un a des idées de projets qui penserait réalisables dans un Fab Lab, ou de choses qui pensent irréalisables justement? Et parce que un Fab Lab, donc Fab Lab, c'est un diminutif pour Fabrication Laboratory. C'est donc un laboratoire de fabrication et un lieu qui se veut ouvert à tous et où on met à disposition du public des moyens de fabrication, donc ce soit des machines, donc des imprimantes 3D, des coupeuses laser, plein de choses, pour en fait que tout le monde puisse réaliser ses projets. Alors, quand on a une idée dans la tête, la plupart du temps, on manque de moyens pour réaliser. Oui, c'est mettre les outils et puis aussi les compétences de tous les gens du Fab Lab. Comment ça? Ça avance? Mais oui, on essaie d'avoir des subventions pour pouvoir acheter les machines qui sont un peu plus chères. Et puis ensuite, c'est aussi avec les adhésions, avec après l'utilisation des machines. Chaque fois que quelqu'un utilise une machine, il va payer un petit peu pour utiliser la machine. Et donc, ça permet de faire vivre un petit peu. Ouais. Et ensuite, ça permet, une fois qu'on arrive à avoir un petit peu d'argent, à voir quels sont les besoins de la communauté pour pouvoir acheter d'autres outils ou d'autres équipements. Voilà. Non, ça, les armes, c'est un des interdits du Fab Lab. On n'a pas fabriqué d'armes. Voilà. Ouais, les trucs contre la gazeuse, un petit chiffon avec un peu de vinaigre, ça marche quand même pas mal. Ouais, un citron. Il y a bien des épiciers un peu partout autour. Un petit peu de citron. Bon, je vais juste faire un dernier petit tour s'il y a d'autres questions encore sur les Fab Labs. Et sinon, on va s'arrêter là pour cette session. Non, sûr. C'est quoi ta question? Ok. En ce moment, dans mon Fab Lab, on travaille sur énormément de projets différents. Donc, j'ai parlé au début de mon intervention d'un projet pour faire une orthèse pour quelqu'un. Donc, une orthèse, c'est comme une orthèse, comme une prothèse, sauf que le membre n'a pas été coupé. Donc, ça rajoute énormément de difficultés parce que on est très limité au niveau de l'encombrement. Et donc voilà, on a développé tout un pôle autour du médical et de la santé. On a travaillé bientôt avec une association d'aveugles pour développer un petit peu quelques outils. On n'a pas encore vraiment cerné leur demande. On vient d'avoir le contact. Et donc on a tout ce projet sur la santé. Oui, c'est doucement, ça se fait. Et puis avec c'est en fonction des demandes des gens. Nous, on est là, on se met à disposition du public pour les aider, pour leur mettre des moyens et des compétences pour réaliser les projets. Il y a aussi pas mal de projets, donc sur tout ce qui est décoration, architecture, et projets aussi sur les jeux. voilà, développer ces jeux, que ce soit un jeu de société ou un jeu en ligne. Et, on a aussi un projet, du moins un pôle maintenant sur les drones aussi. Concevoir son drone, le faire voler, apprendre à faire de la vidéo aérienne. Donc voilà, c'est vraiment, ça dépend des demandes de chacun. Et, donc voilà. Donc bon, s'il n'y a plus de questions, on va conclure. Et puis... oui, ah, Albi même. Oui, oui, oui. Donc, oui, il y a le site donc makery.info qui référence tous les Fab Labs en France. Ensuite, bon, il y a des Fab Labs partout dans le monde. Et voilà, mais donc en partant de ce site makery.info, on trouvera plein d'informations. Et voilà, il y a, ouais, je crois qu'il y a une dizaine de Fab Labs autour de Paris. Donc, voilà. Oui, oui, oui. Bah, il faut découvrir et ensuite pousser la porte d'un Fab Lab et puis s'imprégner un peu de l'atmosphère. Donc, une chose, c'est que quand on rentre dans un Fab Lab, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un accueil et, qui va nous orienter. C'est un petit peu parce que c'est très horizontal. Donc on rentre, on regarde un petit peu ce qui se passe, on discute avec 2-3 personnes et puis petit à petit on arrive à comprendre comment chaque Fab Lab vit et comment il marche. Et voilà. Merci Quentin. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, de toute façon chacune des interventions qui ont lieu ici à Debout Éducation Populaire, après elle donne lieu à un petit résumé et il y aura des liens qui seront mis en ligne sur le site de Debout Éducation Populaire. Donc après, tu peux y retourner et puis voir si ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans la région parisienne en termes de Fab Lab? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire? Voilà. Eh bien, tu trouveras ça aussi sur le site. Bon, on va s'arrêter là pour les Fab Labs. Merci.